je serai tout pour toi, je serai loup, je serai roi, je serai tout pour toi, je serai de tous les combats. Et oui, je serai, c'est le morceau qui est derrière moi. Il s'agit de notre chanteur Peter Lodz. Bonjour Peter. Bonjour Sébastien. Et bien heureux de te retrouver sur Arc-en-Ciel, heureux d'être avec nous. Alors, ben, merci beaucoup. Voilà, on s'était déjà eu au téléphone, on avait parlé un petit peu de l'actualité musicale. Oui, tout à fait. Et entre autres, eh bien, je sais qu'il y a pas mal de dates pour toi en ce moment sur Paris. Et je serai, oui. Tu es toujours, je serai là. Tu es toujours là pour nous, hein. Ben oui, écoute, je suis toujours là, en tout cas, en train de tourner, de chanter à droite, à gauche, hein, toujours. Voilà, et en ce moment, tu es en train de nous préparer dédicace, alors ça va être le volume 2, je pense. C'est ça, exactement. J'ai fait le volume 1 il y a 2 ans et là je prépare le volume 2. En fait, il est terminé. Il sortira, je pense, pour fin août, début septembre. Ah bah on n'a qu'une hâte, c'est de le recevoir. Hein. Franchement, je dédicace déjà. Oui. Déjà, alors, dédicace volume 1, on va rappeler un petit peu. Il y avait 13 titres hein, de mémoire. C'était des chants que tu avais fait de la reprise toi-même, dédicace. Au piano, tu t'accompagnais? Voilà, c'est ça. J'avais fait de la reprise, j'avais fait quelques compos. Oui, je me suis accompagné beaucoup. Au piano, enfin pas dans l'album, hein, mais en live beaucoup au piano. Oui. Mais sinon, oui, je m'accompagne toujours, hein, ouais. D'accord. Et donc, dédicace volume 2, alors à quoi ressemblera la couleur de cet album? Ben, ce sera toujours dans le style gospel, hein. ça ne change pas, c'est dans la continuité de toujours de ce que j'ai fait en gros. Oui. Et puis voilà, il y aura des. Là par contre, il y aura une reprise, deux reprises super connues comme Oh Happy Day en français, et puis je reprends aussi When the Saints en français. D'accord. Deux gospel très connus, ouais. Hmm. Alors justement, est-ce que tiens, tu voudrais qu'on se fasse un petit rappel de dédicace volume 1? Quel est le morceau que tu voudrais qu'on écoute pour redonner envie aux auditeurs de dire waouh, je me rappelle, c'était ça l'album dédicace 1, et eh bien on ira acheter automatiquement le volume 2. Ok, bah écoute, est-ce que tu as le titre Soleil de ma vie? Est-ce qu'il fait beau? Il fait pas terrible sur Orléans, mais Soleil de ma vie, on va réussir à le trouver. Bon, bah voilà, celui-là, ça vous mettra un peu de soleil dans le cœur. Et ben voilà, on écoute tout de suite Soleil de ma vie avec Monsieur Peter Lodz sur le 96.2. Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Ba-la-ba-ba-ba-ya, ba-la-ba-ba-ba-ya, comment m'imaginer. La douce étoile de mes nuits. La chaleur de ton amour réchauffe. De l'hiver, sans moi un bon caractère. Dans le secret, je fais un vœu. Donc, extrait de l'album Soleil de ma vie, ça doit nous ramener du soleil ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ah, tant mieux. Ouais. Alors Peter, on peut te retrouver, je sais que sur Paris tu tournes pas mal en ce moment, hein. C'est pas ton coin de prédilection mais tu y es pas mal quand même. Bah écoute, j'y suis tout le temps maintenant, hein. Je suis à Paris tout le temps, voilà. C'est vrai que je suis du sud à la base, mais c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà, on m'invite beaucoup dans des églises en fait, églises un peu de toutes dénominations, et puis je fais aussi des festivals, des concerts, d'ailleurs cet après-midi j'ai un concert là. D'accord. À Paris. Ouais. À Viry-Châtillon. Alors moi, j'ai une chanson que j'adore et je vais la mettre tout de suite pour te remercier déjà. C'est mon petit cadeau et on en reparle juste après. Bah justement, ça va être une surprise et tu vas voir. Dès que tu vas entendre les premières notes, forcément tu connais. Et ça, c'est un petit cadeau parce que tu nous as dit que tu n'étais pas tout à fait de Paris. Alors forcément, si je te dis Marseille. Ah ben oui, Marseille. Comment oublier Marseille? Eh oui, Marseille alors. Dans ton habit de lumière, Marseille, toi qui domines la terre, le ciel et la mer. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, tu es ma vie. Mon port d'attache, en pèlerinage, je monte les marches pour remercier notre bonne mère. Marseille, oh, oh, oh, Marseille, oh, oh, oh, Marseille, oh, oh, oh, Marseille, oh, oh, oh, Marseille. Tes couleurs, qu'il est bon de sentir ton souffle sur mon corps. Marseille, c'est chez toi, ça ramène le soleil tout de suite. Hein. D'un seul coup, ça chasse les nuages aujourd'hui. Ben oui, et moi, ça me rappelle tellement de choses. Je suis tout nostalgique là, tu vois. Ouais. Et oui. Ah bah ouais. Ça me rappelle tellement de choses. On aime bien ce petit morceau. Alors en plus, pour l'anecdote, ce petit morceau-là que tu as composé avec le frère de Chico, de Gypsy, hein, donc forcément. En fait, composé, non, c'est lui qui me l'a écrit et composé. Hein. Moi, je suis l'interprète là. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, c'est le frère de Chico et. Ravi de cette chanson. Et oui, parce qu'on sent bien la guitare, le soleil. Ouais, on sent l'influence et tout. En plus, si tu vas sur YouTube pour regarder le clip, tu vas voir de toute façon les images de Marseille. Ils tournent autour de Marseille ensoleillé. C'est... Wow. C'était un petit clin d'œil qu'on voulait te remercier de cette couleur merci ensoleillée. Merci beaucoup. Mais vous ensoleillez ma journée aussi. Hein. Alors, Peter, eh ben, ton site, est-ce qu'il y a un petit site internet où on peut retrouver tes dates et tes albums? Oui, tout à fait. Ben, j'ai mon site, donc www.pierrelotte.com. Et puis, on peut aussi voir mon actualité sur mes deux comptes Facebook, Pierrelotte 1, Pierrelotte 2, en fait. D'accord. Et puis, voilà, on peut me. Oui, ben, beaucoup sur Internet, en effet, oui. Et donc, les prochaines dates, alors, toujours plutôt en mode réduit, hein, piano-voix, ou alors il y a plusieurs fois le groupe, on peut te retrouver avec le groupe complet? Non, j'ai mon groupe aussi, j'ai mes musiciens, on est 5 en tout. D'accord. Donc j'ai 4 musiciens, piano, basse, batterie, guitare, moi. Et puis quelquefois j'ai des choristes aussi, comme cet après-midi d'ailleurs. Et puis voilà, sinon j'ai le piano voix et puis j'ai bande son aussi. Enfin j'ai toutes les formules quoi. D'accord. Bon, en tout cas, nous on est heureux de t'avoir eu. On n'a qu'une hâte, c'est d'avoir maintenant forcément Dédicace volume 2. On attend avec impatience de le recevoir pour diffuser. Oh, merci à vous la Radio Arc-en-Ciel, merci beaucoup. Hein. Ah bah non, c'est vraiment c'est merveilleux. Et puis bon courage pour le concert cet après-midi. Et puis moi je te dis une chose, on va parcourir les kilomètres de ta vie maintenant ensemble. Oh c'est super, en plus c'est celle-là que je commence cet après-midi, je commence avec celle-là. Eh bah alors franchement, une grosse pensée à nous pour cet après-midi alors. Ça marche, il n'y a pas de souci. À bientôt. Bonne journée. Merci Pierre. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Et donc je rappelle les kilomètres de la vie, extrait donc de Pierre Lodz sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai suivi tant de chemins, affronté tous les coups durs et le destin. Toujours fait face au lendemain. J'ai toujours suivi ma route, malgré tout j'ai avancé. Même le cœur en déroute, j'ai toujours choisi d'aimer. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai compris que l'on n'était rien. Le temps passe et tout s'efface, puis tout s'éteint. J'ai tendu 100 fois la main. Et des tant de gens qui ne croyaient plus en rien. L'amour de l'amitié pendant tout. C'est du soleil, plein les oreilles.